www.radiomahomba.com. Bonjour, ici Justine et Marianne. Justine, et bienvenue à l'émission Le Club des Normandes. Nous sommes désolés parce que la semaine passée, nous avons eu quelques petits problèmes techniques avec notre émission. Nous espérons que ça ne se reproduira plus. C'est le temps pour la première blague. Trois ours polaires se promenaient dans le désert. Le premier dit au deuxième: regarde combien de glace il doit y avoir ici. Pourquoi? Ben, tout le sable qu'ils ont mis dessus. Truc écologique de cette semaine. Le truc écologique de cette semaine. Lorsque vous vous brossez les dents, certaines personnes continue de faire couler l'eau. Et bien ça gaspille vraiment beaucoup d'eau. Fait que si vous faites ça, vous avez juste à l'arrêter. Fait que c'est ça le truc écologique de cette semaine. Arrêtez l'eau quand vous brossez les dents. Merci Justine pour ce merveilleux truc écologique de ne pas utiliser trop d'eau. Maintenant, on va vous dire une petite histoire. Elle n'est pas petite, elle est très longue. Ansel et Gretel. Et Lucie. Ah. Il était une fois. Non. Toutes les histoires commencent de même, c'est vraiment énervant. Il était une autre dimension. Vivaient Sylvain, Lucie, son père et leur mère. Chérie, ça suffit. Nous n'avons vraiment plus assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Toi, tu as perdu ton job de juge et maintenant, tu dois vivre d'au monde. Tu fais à peu près 100$ par année et tu gaspilles tout cet argent-là pour payer la maison, l'auto, le gaz, l'électricité, l'eau, le linge pour les enfants, les souliers et la nourriture et tout. Tu gaspilles ben trop d'argent pour tout ça! Et moi? Eh bien, je n'ai pas assez d'argent pour payer tout ça. Franchement, c'est pas de ma faute si j'ai perdu mon job il y a 10 ans, d'accord? Et en plus, toi, tu es une chanteuse super célèbre. Tu gagnes comme 4 trillions de dollars par année. Tu devrais être capable de payer pour tout ça. Là, moi, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas 4 trillions de dollars par année. J'ai compté. Eh bien, avec ton 100$, tu devrais le gaspiller sur quelque chose d'autre. Ouais, ben là, on commence à manquer de nourriture pour les enfants. Tu devrais m'aider, là, avec l'argent. Non, j'ai un meilleur plan. Parce que moi, avec mon argent, je m'achète des bijoux, du linge et des souliers pour moi. Toi, c'est ton problème si t'as pas assez d'argent pour t'acheter des affaires à toi et la nourriture et toutes ces affaires-là que je viens juste de dire. Ah, pourquoi je divorce pas? Parce que sinon, t'aurais pas assez d'argent pour vivre, bien sûr. Tu m'aides déjà pas. En tout cas, je disais donc que nous devrions mettre ces enfants à l'orphelinat parce que moi, je n'ai pas assez d'argent pour tout faire ça à cause que moi, je gaspille tout mon argent pour acheter des bonnes affaires, des bijoux. Ouais, mais qui voudra adopter de notre fils et de notre fille, franchement? Sylvain a 14 ans et il porte du linge de 4 ans. Et notre fille, Lucie, a 12 ans et elle porte du linge de 2 ans. On s'en fout, ça c'est ton problème. La seule chose intelligente que tu as pu t'acheter, c'est cette armoire dans notre chambre qui sert à mettre tous tes bijoux dedans. Non. En fait, c'est toi qui l'as payé. Comment ça, c'est moi? Eh bien, à un moment donné, quand tu étais sortie, j'avais pris un petit peu d'argent de ta tirelire et j'ai acheté cette armoire. Je n'avais pas assez d'argent pour m'en acheter! Oh. Je ne veux pas emmener mes enfants à l'orphelinat, franchement! Eh bien, il faut! Parce que sinon, il faut que tu te trouves un emploi! Nous n'avons plus assez d'argent pour acheter toutes les affaires que nous avons besoin! Tu veux dire, je n'ai pas assez d'argent? Toi, tu en as en masse! Je paye seulement mes affaires. Les autres, c'est ton problème. Alors c'est toi qui vas les emmener à l'orphelinat. Très bien, comme tu veux. Sylvain, qui avait écouté, avait tout entendu. Alors, il avait décidé de prendre quelques petites roches, de les mettre dans sa poche, et que quand ils s'en iraient à l'orphelinat, il les laisserait sur le chemin pour qu'ils puissent retrouver leur chemin chez eux. Franchement, une mère est donc bien bizarre. Les enfants! Quoi? Sylvain et Lucie, vous avez donc bien grandi! Non. En fait, ça fait super longtemps qu'on est grand de même. Mon linge est trop petit, mais moi je trouve que c'est un peu normal, tu sais. Il est 4 ans. Oh ben, c'est pas grave. T'as juste 2 ans de plus. J'ai pas 6 ans! Vraiment? Ah, je me demande c'est quand que j'ai arrêté de compter ton âge. Et toi, Lucie, tu as quel âge? 4? J'ai 12 ans. Eh bien, ça, c'est impressionnant. Eh bien, c'est pour ça que nous allons aller vous acheter du linge dès maintenant. Sérieusement? Non, c'est un truc. Comment ça, par rapport? C'est vrai, je l'ai entendu. Bon, alors vous venez, on va aller vous acheter du linge de votre âge. 6 et 4, je dis 14 et 12. Ils marchèrent et sans s'en rendre compte, se retrouvèrent dans une petite ruelle abandonné, du moins, à ce que c'est que pensaient les humains. Oh! Je suis désolée, je me suis trompée de chemin! Ouais, ouais. C'est vrai! Ne me parle pas comme ça de sa mère! Bon! Eh bien, je crois bien que je vais aller chercher une carte dans le magasin d'à côté pour voir c'est où les magasins, parce que là, je crois que je me trompe beaucoup. Oh! Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici. Le magasin, je ne veux pas vous faire marcher trop. Et en plus, le magasin, ce n'est même pas un magasin de linge. Attendez-moi ici, ça ne sera pas long. Alors, la mère partit. Les enfants attendirent 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Tu penses toujours qu'il va revenir? Je sais pas, maman peut pas nous abandonner de même. À ce que j'ai entendu, elle voulait nous amener dans un orphelinat. Une chance que j'ai mis des rats sur notre chemin pour le retrouver, hein? Ouais, ok, merci, on y va. Ils retournèrent chez eux. Les enfants, vous êtes revenus? C'est un miracle! Quoi? Vous êtes revenus? Je croyais que je vous étiez... Je veux dire... Oh, je vous cherchais partout, mes petits! Ouais! En passant là, on a attendu 45 minutes pour que tu viennes. Mais je vous cherchais partout! Oh, quand j'étais venue vous voir, vous n'étiez plus là! On a attendu 45 minutes. Mais c'est vrai! 5 minutes après... Je suis retournée et vous n'étiez plus là! Alors je croyais que vous étiez retournée à la maison! Non! Alors vous venez avec moi et on va vous acheter du nouveau linge! Ouais, je pense pas! Ouais! Avec l'affaire que tu as abandonnée, là, je pense pas qu'on va te suivre encore! Vous voulez vraiment rester avec du linge de 4 et 2 ans? Et moi? C'est une chance de la vie! C'est la première fois que je vous offre ça, de venir vous magasiner avec moi! Non, la deuxième. Ouais. En une journée. Ok, de bord, on va venir. Parce que là, on vient avec toi partout où tu vas. Alors, ils retournèrent là-bas et se retrouvèrent dans la même ruelle. Oh! Encore ici? Je vais sortir ma carte. Oh non, je l'ai oublié à la maison! Oh, il faudra bien que j'en en cherche une autre alors. Ouais, on va venir avec toi, maman. Ouais, on va pas te laisser tout seul. On voudra pas que tu te perdes. Franchement! Vous ne venez pas avec moi, vous restez ici. Je vais aller les chercher tout seul. Je vous promets, ça va prendre 2 minutes. Ouin, ouin, non. Vous restez! Ok, d'abord. Oh. Hey, une chance que j'ai apporté. Une chance que j'ai apporté un petit peu de pain. J'avais plus de roche, mais là, au moins, j'avais un pain dans ma poche. J'ai laissé des graines. On va retourner, tu viens? Dis Sylvain après que sa mère soit partie. Ok. Oh non, les oiseaux ont tout mangé, le pain! Comment on va faire pour retourner chez nous? Je sais pas, tu sais. On va essayer de retrouver notre chemin, hein? Alors ils marchèrent pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant une maison en forme de manette de Xbox. Cool! Regarde ça! Wow, on rentre dedans? Ouais, tu sais, une galerie de jeux, c'est comme monstre truc. Même si on n'en est pas chez nous. On s'en fout. Alors ils entrèrent. Bonjour. Salut une dame. Est-ce qu'on peut venir jouer? Bien sûr. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas d'invité que... Ah, ça me fait plaisir, mam. Et j'ai même un bon repas qui vous attend sur la table. Cette femme était une belle jeune femme d'à peu près 20 ans. Rien de suspect. Yeah! On va manger un premier cake? Ouais! J'ai tellement faim! Mangez tout ce que vous voulez. Alors, ils sont plus frères jusqu'à ce qu'ils aient plus faim. Alors voilà, les jeux sont de ce côté pour les garçons et les jeux pour les filles sont de ce côté. Dans deux différentes salles, j'espère que ça vous dérange pas? Pas grave, tu sais, on est vieux. Ouais. Alors toi, jeune homme, c'est par là et jeune fille, c'est par là. Merci, tu sais. Après que Sylvain soit rentré dans la salle, il entendit quelqu'un claquer la porte et la verrouiller derrière lui. Ah! Qu'est-ce qu'il pense? Je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Lucie, qui n'était pas encore rentrée dans la salle, s'exclama « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, je vous capture, bien sûr. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous donner toute cette nourriture gratuitement? C'est en échange de vos vies. Tout à coup, cette belle jeune dame sortit ses gros crocs et était pour... On ne veut même pas vous le dire. Ah, c'est un vampire! Oui, bien sûr. Vous ne savez pas que ça existait, mes petits? Que vous apprennent-ils dans les écoles de nos jours? On va pas à l'école, notre père a pas assez d'argent. Oh, eh bien... Je m'en fous, je vais vous manger. Toi, Lucie, va préparer à manger, sinon je te tue aussi. Étant obligée de le faire, elle alla cuisiner. Pendant les jours qui suivirent, Lucie cuisinait plein de repas pour faire grossir Sylvain pour qu'il soit plus, appétissant. Mais Sylvain, lui, se mangeait raisonnablement et ne voulait surtout pas grossir. Alors un jour, la vampire qui était tellement tannée décida que c'était le temps de le manger. « Lucie, ouvre le feu en dessous de la marmite. Quoi? » Pendant que la sorcière vérifia si le feu était assez gros, Lucie eut la super bonne idée de la pousser dedans. Et ce fut la fin de la vampire. Yeah, merci, tu m'as libérée! Maintenant, on peut retourner chez nous! Lucie et Sylvain retournèrent chez eux, enfin l'essayèrent, et après quelques heures, ils retrouvèrent leur maison! Papa! Yeah! Papa! Non, c'est impossible! Mes enfants! Je veux dire, oh, je vous cherche partout. J'ai appelé les secours pour venir vous chercher. Vous êtes enfin de retour. Ouais. Là, essaye pas de nous faire croire. On a entendu qu'est-ce que t'as dit avant. Que tu voulais plus de nous parce qu'on coûtait trop cher. Ouais. Tu sais, tu voulais nous mettre dans un orphelinat, mais à place, non, tu voulais faire nous mourir. C'est encore bien mieux. Ça suffit. Chérie, je divorce. Sauf si tu me dis une chose. Fais-toi l'image. C'est eux. Ou c'est moi? Quoi? Non! Tant pis, vieux fou, je m'en vais. En plus, j'ai une promotion aujourd'hui, alors je m'en fous de ton argent. Alors, le monsieur et les deux enfants vécurent heureux jusqu'à la fin de leur temps, de leur vie. La fin. Oh, quelle belle histoire! J'espère que personne dans le monde ne marque de même. Ouais, là, on a presque tout le temps, fait que vite! La blague numéro 2. Es-tu sûr que ton père ne t'a pas aidé pour faire ses devoirs? Dit le professeur. Sûr! Dit l'élève. Il l'a fait seul! C'est déjà pas de dire bye. Vous pouvez écouter notre émission sur le www.leclubdenormandes.com ou sur iTunes. Bye bye et à la prochaine pour notre émission de la semaine prochaine!